Tire de DJ Rebelle pour audiocité.net, conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Renauville, Lucille, sixième maîtresse de Zozo. Le père de Lucille n'avait point de fortune, mais il était honnête homme et il lui donna une bonne éducation. Il avait remarqué que sa fille avait un caractère très décidé, avec un cœur sensible, et il employa la douceur, les caresses et le sentiment pour obtenir d'elle ce qu'il désirait. Il eut la satisfaction de s'en voir respectée et chérie. La mère de Lucille aimait sa fille sans doute, mais cet amour n'était ni raisonnable ni éclairé. Elle la grondait sévèrement pour des bagatelles et lui passait des fautes graves. Souvent, cette mère capricieuse l'accablait de caresses sans raison, sans motif, et la repoussait quand la petite venait pour l'embrasser. Cette bizarrerie aigrissait l'esprit de l'enfant et chagrinait son père qui se voyait contrarié dans la marche qu'il voulait suivre pour l'éducation de sa fille. Cet homme bon mais faible renferma son chagrin en lui-même. Les peines qu'il éprouvait, jointes à des malheurs imprévus, abrégèrent ses jours. Il mourut à la fleur de son âge et sa femme le suivit de près. Elle laissa Lucille, âgée de 10 ans, avec un petit garçon de 18 mois. Pour tout héritage, Lucille eut quelques vieux meubles et une petite chaumière située sur la lisière d'un bois. Lucille se retira dans cet asile sauvage avec son petit frère. Les malheureux n'ont hélas ni parents ni amis. Elle se vit absolument délaissée et fut bientôt en proie à la plus affreuse indigence. Quelques laboureurs la demandèrent cependant pour garder leurs troupeaux, mais elle les refusa, résolue de tout souffrir plutôt que d'abandonner son petit frère qui demandait ses soins. Cependant, il fallait avoir du pain et donner à manger à ce pauvre petit qui ne parlait pas encore. Lucille vendit ses meubles. Avec cet argent, elle acheta du lin et du coton. Elle fit des bas et les vendit. L'habitude du travail lui fut d'un grand secours dans sa misère. Elle filait, cousait et tricotait tour à tour. Comme elle était aussi vigilante qu'habile, elle pourvut ainsi à ses besoins et conserva sa liberté. La vertu commande l'estime des hommes. Une jeune fille de 10 ans, vivant seule dans une pauvre cabane, se suffisant elle-même et soignant son frère en bas âge comme si elle eût été sa mère, était un spectacle rare et attendrissant. Aussi on accourait des cantons voisins pour la voir et l'on s'empressait de lui apporter de l'ouvrage. Les mères surtout se faisaient un plaisir et un devoir d'y conduire leurs enfants. En peu de temps, Lucie recueillit le fruit de ses peines. L'aisance régna dans sa petite chaumière. Elle se vit même en état de prendre une bonne vieille pour faire le ménage et soigner son frère tandis qu'elle allait porter son ouvrage dans les hameaux voisins. Lucille courait des jours heureux dans la paix et dans l'innocence. Rien n'eût manqué à son bonheur si elle avait eu son père et sa mère. Cette jeune personne était d'une force et d'une taille bien au-dessus de son âge, et sa beauté égalait les qualités de son cœur. Une dame de la ville voisine, ayant entendu parler de Lucille, désira la voir. Après s'être assurée que tout le bien qu'elle en avait entendu dire était véritable, elle se fit proposer de venir demeurer dans sa maison, promettant que si Lucille continuait à se conduire comme auparavant, elle aurait soin de sa fortune. Effectivement, au bout de 3 ans, cette dame, qui n'avait point d'enfant et qui était fort riche, adopta notre orpheline, qui par là se vit récompensée de sa bonne conduite, et par suite en état d'assurer une fortune honnête à son frère, dont elle n'avait pas cessé de prendre soin. Lucille avait disposé de sa poupée à la mort de sa mère, Madame de Vertingen, qui l'avait achetée pour Angelina, sa petite fille.